Le demi-crime de Monsieur Bourruche par Miguel Zamacoïs. Monsieur Bourruche n'avait pas dormi une minute. Toute la nuit, interminable, il s'était tourné et retourné dans son lit, avait 10 fois allumé l'électricité pour regarder l'heure, avait en 3 lampées vidé la carafe pour apaiser une soif fiévreuse. Enfin, à 5 heures du matin, n'y tenant plus, il s'était levé, frissonnant, exténué. Le petit jour répandait une lueur blafarde sur le désordre de la chambre, au milieu de laquelle s'étalait une grande valise bourrée de linge et d'effets. M. Bourruche commença de faire sa toilette, monologue à mi-voix, habitude qu'il avait prise en vivant seul pour se donner l'illusion d'une compagnie réconfortante. « J'ai grandement le temps, » marmonnait-il. « Mon train n'est qu'à 7 heures et mes paquets sont prêts. Mais dans mon lit, que ferai-je? Et puis, il me faut du mouvement, de la distraction. Sans cela, je crois que je deviendrai fou. Ou bien que je renoncerai. Et maintenant, il est trop tard, le mal est fait. Le crime est consommé. Le crime, qui aurait cru ça? Qui aurait cru que moi, Antonin Bourruche, le vieux caissier exemplaire de la maison Montel, soit Hélénage, je prendrais dans la caisse de mon patron 230 000 francs pour filer avec une femme, une inconnue, une créature de luxe, comme l'on dit, rencontrée au cinéma. Telle était en effet l'aventure inouïe qui arrivait, dans la 62e année de son âge, à M. Bourruche, jusque-là employé modèle, ayant pour sa maison une tendresse de répertoire romantique. Oui, un soir qu'il était allé au cinéma, en vieux veuf qu'il était, il avait eu pour voisine une fort jolie personne, un peu voyante peut-être avec ses cheveux d'un blond vénitien ardent, et son corsage copieusement échancré, mais fort appétissante. Il devait ramasser son sac à main, et la conversation commençait là, s'était continuée devant une tasse de chocolat dans un café des boulevards. Au cours de quelques chastes rencontres, Annie Mounette, c'était le nom de la personne, lui avait confié ses malheurs, son besoin d'affection, et le bonhomme avait senti tout à coup naître en lui une passion sénile désordonnée, bouleversant l'équilibre de ses rigoureux principes et de sa vieille morale bourgeoise. Tenté par cette jeunesse qui offrait une délicieuse revanche tardive à son austérité sensuelle de près d'un demi-siècle, il avait glissé peu à peu sur la pente. Peu à peu, affolé par la comédie de l'amour, joué à merveille par la jeune intrigante, forte de sa rouerie et de ses 25 printemps, il s'était réveillé un matin avec une âme d'anarchiste moral, disposé à toutes les compromissions, à toutes les hontes, pour satisfaire l'impérieux désir de vivre sa vie lui aussi. Et certains jours, amené au point voulu d'aberration par la gentille aventurière, l'employé modèle, le vieux caissier fidèle, avait résolu cette chose monstrueuse. Un soir, avant de fermer sa caisse, il prendrait une liasse de billets, le plus grand nombre possible, et par un train de la première heure, filerait avec sa conquête pour Marseille, où, caché sous un faux nom, il mènerait la grande vie. Cela durerait ce que cela durerait. Sans doute finirait-il par être pris, mais au moins il aurait vécu, il aurait savouré, comme tant d'autres, les intenses jouissances que procure l'argent. Tant pis s'il devait payer ensuite de n'importe quel châtiment de merveilleuses sensations. La fraîcheur d'une ablution donna quelque netteté à l'inévitable conclusion fâcheuse de sa fugue criminelle. Un jour, à la porte de l'appartement meublé de Marseille, des gens de police carillonneraient et... M. Bourruche sursauta. Un carillon tintamarresque venait d'éclater à ce moment précis. Ouf, c'était ce maudit réveil matin dont il avait réglé hier la sonnerie pour un déclenchement à 6h20 qui remplissait consciencieusement sa mission bruyante. « La minute ne sera pas drôle, » pensa M. Bourruche, « mais bon, elle aura été précédée de tant d'ivresse, de tant de sensations inconnues, que le charme des souvenirs compensera les horreurs des conséquences. Le plus dur, ce sera la première entrevue, après mon arrestation avec le patron, avec M. Montel, qui a tant confiance et dont les affaires ne sont pas si brillantes. 230 000 francs, quel trou! Comment fera-t-il pour les chances, le pauvre? Ma foi, tant pis! Chacun sa vie. Et puis, Annie Mounette m'attend la gare à 7h15. J'ai les billets. Je voudrais échanger quelque chose que je ne le pourrais plus. Ding, ding, ding. Aux 3 coups précipités du timbre de la porte d'entrée, M. Bourruche sursauta une seconde fois. Qui pouvait bien sonner à 6h15 du matin, il s'élança. C'est moi, monsieur Bourruche, c'est monsieur Montel, ouvrez vite, une catastrophe !» Derrière la porte, la voix du patron révélait de l'angoisse, du trouble, de l'agitation, mais pas de colère. Il ne devait rien savoir. Mais alors qu'était-il arrivé ? « Je vais chercher la clé, » répondit le caissier tremblant. La clé était sur la porte, mais il jugeait prudent d'aller dissimuler la valise. Vivement, à coups de pied, il l'envoya sous le lit. La porte ouverte, M. Montel entra d'un trait et s'affala sur une chaise. « Mon pauvre Bourruche, il nous arrive une chose épouvantable. » Réveillé il y a environ une heure par un bruit insolite, le concierge s'est levé, est entré dans le magasin et a surpris un cambrioleur qui venait de défoncer le coffre-fort avec un chalumeau. Il l'a saisi, mais l'autre s'est dégagé et s'est sauvé. Il s'est sauvé en emportant toutes les liasses de billets de banque, les 230 000 francs. C'est la fin de tout, vous comprenez, mon pauvre monsieur Bourruche. C'est à peu près tout ce qui me restait de liquide, après cette abominable guerre qui m'a ruiné. Comment vais-je faire face à mes échéances? Ma femme est comme folle. Voilà ce qui m'arrive après 40 ans de travail, d'efforts, d'honnêteté, d'économie. Je sais quelle affection vous avez pour nous, monsieur Bourruche. Vous êtes un loyal serviteur. J'ai voulu vous annoncer moi-même le malheur. Allons, remettez-vous, vous êtes pâle comme un mort. Venez avec moi, que nous consultions tout de suite les livres, que nous établissions le bilan. Mais vous êtes déjà prêt à cette heure-ci? Oui, répondit monsieur Bourruche défaillant. J'ai été souffrant cette nuit et me suis levé de bonne heure. Je vous suis, monsieur Montel. Quelques instants plus tard, les deux hommes descendirent d'un taxi devant le magasin. Ils entrèrent et trouvèrent devant le coffre éventré un groupe de curieux auxquels, pour la centième fois, le concierge racontait le drame. « Il s'en est fallu de peu que je ne l'étrangle, disait-il. Mais il était costaud, il s'est dégagé, s'est précipité de ce bureau dans le magasin par cette porte et a sauté dans la rue par l'autre porte qu'il avait forcée. » Il se passa alors une chose extraordinaire dans l'âme du vieux caissier. Explique qui pourra. Le phénomène psychologique. Sachant le danger qu'il courait, certain d'être pris et envoyé au bagne, il perpétrait son crime avec désinvolture. Le châtiment, l'expiation, réglerait sa dette. Mais assuré tout à coup de l'impunité par un concours de circonstances miraculeux, son forfait lui apparaissait monstrueux, et la honte inadmissible, intolérable. Titubant, la sueur au front, il regarde le coffre, son coffre, d'un air hébété. Cependant que les assistants prenaient pour une émotion naturelle ce qui était une stupeur de sa pensée subitement consciente. Il passa du bureau dans le magasin, comme obéissant machinalement à un sentiment de curiosité. Quelques moments s'écoulèrent. « Patron, patron !» cria soudain la voix altérée de M. Bourruche. « Là, là, les billets !» On se rua dans la pièce contiguë. Sous une table, un peu dans l'ombre, non loin de la porte d'entrée, gisaient les liasses de billets de banque. On les ramassa. La somme était complète. Et la seule explication plausible était celle-ci. Se sentant poursuivi et jugeant qu'il avait 99 chances sur 100 d'être pris, le voleur s'était débarrassé du produit du vol pour bénéficier de circonstances atténuantes. Aucune autre pensée ne va naturellement à l'esprit des gens qui étaient là. Et comme, à bout de résistance, M. Bourruche s'était évanoui. « Est-ce que ça l'a frappé ? » dit quelqu'un. « C'est un si brave homme !» ajouta M. Montel. C'était « Le demi-crime » de M. Bourruche par Miguel Zamacoïs.